La vie c'est dur, je le sais très bien, mais je patiente Inch'Allah que ça sera mieux demain. On m'a trop souvent déçu, mais je les ai souvent pardonnés en disant que ce n'était rien. À l'ancienne c'était méchant, encerclé de poteaux, mais certains en géchant. À force de souffler sur les bougies, tu comprends très vite qu'il faut pas faire confiance aux gens. Du coup tu arrêtes de sortir, tu t'isoles au maximum en pensant qu'à ton avenir. À quoi sert de sortir si c'est pour croiser des enfoirés qui sans prétexte t'haïssent? Du coup tu restes bloqué entre quatre murs. À quoi sert de sortir si tu as pas les sous? On m'a dit que l'argent ne faisait pas le bonheur, mais si j'en avais je sortirais de mon trou. J'ai sombré dans la mélancolie, que moi pour comprendre la source de ma folie. Du mal à raconter mes problèmes, je lui disais pas, mais ma mère l'a très bien compris. Les jours passent et je commence à maigrir, les yeux remplis de cernes, le regard vide. En attendant que la mort vienne me prendre, c'est là où le grand frère me dit de me ressaisir. Il avait pas tort, c'est juste que j'écoutais le diable m'insuffler d'arrêter de vivre. Du coup j'ouvre la porte et tout simplement revoir la lumière du soleil me ravive. Et je suis trop ravi que j'ai combattu cette putain d'angoisse qui n'arrêtait pas de me suivre. Le mental faut l'avoir, au début c'est chaud, c'est les épreuves qui le solidifient. Avec le temps, je m'en suis remis, j'ai vu, j'ai vaincu et là j'ai compris. Que quand t'es pas bien, y'a très peu d'amis. Et que quand tout va, ils reviennent petit à petit. J'ai dit que je pardonnais, pas oublié. Y'a qu'au tout puissant que je peux me fier. Y'a qu'au tout puissant que je peux me fier. Je me confierai à plus personne, c'est décidé. Devant toi, ils te font croire qu'ils veulent ton succès. Mais derrière, ça te dénigre salement. Peut-être que j'ai fauté, mais je reste sans regret. Sans ça, je serais pas devenu l'homme que je suis maintenant. Je dis pas que je suis parfait, mais je veux le devenir. Les mauvais chemins, faudrait que je les évite. J'arrête pas de pécher, mais je me repens vite. Je suis dégoûté à chaque fois que je tombe dans le vice. Je suis dégoûté que je tombe dans le vice. Non. Je suis dégoûté que je tombe dans le vice. Non. Peut-être que j'ai fauté, mais je regrette pas. Sans ça, je serais pas devenu l'homme que je suis aujourd'hui. Je suis pas l'homme que je suis devenu aujourd'hui.